Les mystiques espagnols par Paul Rousselot, professeur de philosophie. Sainte Thérèse d'Avila, sa doctrine. Marc M. Dan, archive.org. Licence Creative Commons. Pas d'utilisation commerciale. Partage à l'identique. Le ciel astronomique a eu ses romanciers, savants, philosophes, poètes, rêveurs. Le voyage aux plaines de l'infini a tenté des esprits de tout genre et de tout ordre, le ciel au sens chrétien. Ce petit ciel interne où l'âme trouve son créateur et celui de la terre, a eu les siens aussi, ce sont les mystiques, mais les romans qu'ils ont écrits, si l'on ose employer cette métaphore profane, sont l'histoire de leur propre cœur, c'est-à-dire, selon les personnages, celle des plus nobles rêves ou des plus tristes aberrations de l'esprit humain. Voici celui de Sainte Thérèse. Il est un château bâti d'un seul diamant ou d'un cristal admirable, digne de l'hôte céleste qui daigne y résider, digne de la fête de l'amour divin que l'ami célèbre avec son époux. Y parvenir est le but du mystique. Où donc est ce château? Dans notre âme, nous le portons avec nous. Y entrer, c'est entrer en soi. Quoi donc, entre-t-on là où l'on est? Grande erreur, que de croire que chacun est entré en soi-même, sait-on même ce que cela signifie? Entrer en soi, c'est d'abord se connaître, puis connaître Dieu au centre de ce merveilleux château, au plus profond de l'âme. Or, combien peu en sont capables? D'abord mille obstacles nous arrêtent, les environs du château sont gardés par des animaux immondes et des reptiles, et bien des âmes leur sont devenues semblables par l'habitude qu'elles ont contractée de vivre avec eux. D'autres, sans être plongées dans la matière, sont néanmoins si occupées du soin des affaires de ce monde, si ambitieuses des biens et des honneurs, que leur bonne volonté même se trouve paralysée par ces déplorables attachements. La condition pour se connaître est donc de se dépouiller de tout ce qu'il y a de terrestre en soi, condition difficile à remplir, mais non impossible et d'ailleurs indispensable, car c'est un besoin pour tout homme de se connaître, surtout pour celui qui marche dans la voie spirituelle et aspire à communiquer avec Dieu. Il doit savoir et n'oublier jamais qu'il est devant Dieu. S'avança-t-il en ce chemin à pas de géant, plus petit qu'un enfant à la même aile? Si l'humilité ne lui représentait à chaque minute son néant, il serait perdu. C'est ainsi qu'entrant en soi, il entrera dans le palais magnifique du roi éternel. Pour le connaître, ce roi, il n'est pas nécessaire de sortir de soi-même. Que signifient ces mots? Notre Père, qui est dans les cieux? Croyez-vous qu'il soit peu important de savoir ce qu'est le ciel, et où il faut aller chercher votre divin Père? C'est une des choses qui font que l'âme se recueille davantage en elle-même. Dieu est partout. Partout où est Dieu, là est le ciel. Saint Augustin cherchait Dieu partout, et il le trouva dans son cœur. Quand l'âme est parvenue à forcer les abords du château, il lui faut parcourir et occuper successivement les 7 demeures qu'il contient, la porte pour y pénétrer. C'est l'oraison. À chaque demeure correspond une forme ou un degré d'oraison pénétrée dans la première, c'est pénétrer, par l'oraison vocale et mentale, dans la connaissance de soi-même en secouant les grossières enveloppes des sens, comme le voyageur secoue la poussière de ses pieds aux portes de la ville. Une fois franchie cette barrière extérieure, le voyage se continue, de là, après l'oraison vocale et mentale, l'oraison de recueillement, l'oraison de quiétude, l'oraison de ravissement ou d'extase, enfin le vol de l'esprit. L'oraison admet d'abord des procédés naturels, car à ses degrés inférieurs elle est inséparable de l'exercice de la pensée, et elle exige la méditation. Celle-ci, loin de nuire à la contemplation, y conduit. Bientôt l'âme recueille toutes ses facultés et entre plus profondément au-dedans d'elle-même. De ce travail de l'esprit résulte une satisfaction intérieure et des sentiments de joie, des contentements, qui, sans rien avoir de surnaturel, naissent en nous à la suite de la prière et de la méditation. Ils sont le fruit d'une application volontaire et de l'emploi de nos facultés. Mais ces contentements ne sont pas sans mélange. Outre la fatigue de méditer, ils laissent place à l'aridité, à la sécheresse, à je ne sais quoi de physique et de passionné. Aussi pour apaiser l'âme et en même temps la récompenser de ses efforts, Dieu lui suscite bientôt après des désirs plus ardents, des joies plus vives et à la fois plus pures, des goûts, qui font naître en elle une nouvelle source de force et de jouissance. Les trois premières demeures sont ainsi franchies, et pour cette partie du voyage, c'est à l'homme tout entier qu'on a fait appel, à la raison aussi bien qu'à la foi, mais au seuil de ces demeures si souhaitables, où il ne s'agit plus de beaucoup penser, mais de beaucoup aimer, quand l'âme commence à acquérir quelque chose de surnaturel qu'il lui est impossible d'atteindre par elle-même, elle touche à un monde nouveau, monde de mystère dont Dieu seul donne la clé, que les profanes ignorent et dont les initiés ne peuvent qu'imparfaitement exprimer les ineffables délices. La parole humaine n'est pas capable d'analyser des phénomènes si délicats et si subtils, dont l'essence est, pour ainsi dire, d'échapper à l'analyse. Elle laissait néanmoins, lorsqu'à la méditation a succédé la contemplation, le mouvement et l'effort ont fait place au calme et au repos. L'entendement cherchait la vérité en méditant, l'a-t-il obtenue? Aussitôt tout acte cesse, il suffit de la contempler en silence. Tel est l'état de l'âme dans la quiétude de la quatrième demeure. Tandis que les contentements sont comme une eau qui vient remplir une fontaine de fort loin par des aqueducs et grâce à l'industrie de l'homme, les goûts ont leur origine en Dieu même qui les envoie dans l'âme, comme l'eau d'une source qui d'elle même viendrait se déverser dans un bassin sans faire aucun bruit et sans qu'il fût nécessaire d'employer aucun artifice. L'âme ne produit plus, elle reçoit. Dès lors il reste peu de choses à faire aux facultés. Leur exercice est interrompu, c'est la suspension des puissances. Dieu présente à l'entendement des choses surnaturelles et divines, et répand en lui une grande abondance de lumière afin qu'il puisse les voir d'une vue simple, sans acte discursif, sans attention, sans travail. Il le tient enfermé en ce qu'il voit et frappé de stupeur à cette vue. C'est alors qu'il lui enseigne dans l'espace d'un credo plus que nous ne pourrions apprendre avec bien des efforts en plusieurs années. Toutefois, nous ne devons pas, de notre propre mouvement, empêcher l'entendement d'agir, ce serait tomber dans l'hébétement et l'impuissance. Mais comme il pourrait s'égarer en des pensées inutiles, et éloigner l'âme de son but, le mieux est qu'il n'agisse point. Seulement il faut laisser à Dieu le soin de produire en nous, quand il lui plaît, cette suspension de la libre activité de notre intelligence. C'est un état surnaturel, où l'âme proprement pâtit, plutôt qu'elle n'agit. Quant à la mémoire, elle reste oisive, car l'âme, livrée tout entière à sa félicité présente, n'admet aucun souvenir. La volonté se borne à brûler de l'amour des choses que contemple l'entendement. ce n'est pas un entier anéantissement de l'âme, un état de complète passivité, l'entendement se laisse pénétrer, illuminé par la lumière d'en haut, il est plongé dans une stupeur causée par l'admiration, mais admirer, c'est agir, quoique passivement. S'il nous arrive d'être en cet état sans penser à rien, cela ne dure guère et n'est point d'ailleurs notre dessein. La volonté se laisse dominer de manière à n'aimer que Dieu, à ne trouver sa joie qu'en lui, mais aimer et se réjouir, c'est encore de l'activité. L'âme agit en un certain sens, comme il arrive dans les faits habituels, sans effort, sans peine, sans réflexion, mais si la spontanéité est le contraire de la détermination réfléchie, elle n'est pas l'annulation de l'activité, puisqu'elle en est une des formes. Il semble que l'âme n'ait plus rien à démêler avec le monde extérieur, hélas, elle a pu traverser les abords fangeux du château, mais une ennemie de son repos, l'imagination prend à tâche de l'y ramener. Lorsque l'imagination se trouve seule, on ne saurait croire quelle guerre elle fait à la volonté et à l'entendement pour tâcher de les troubler. Quand sera ce Seigneur, que les puissances de mon âme ne seront plus ainsi partagées, mais se réuniront pour ne s'occuper que de vos louanges? Je l'ai éprouvé encore aujourd'hui, ayant employé tous mes efforts pour que ma mémoire et mon imagination se missent de concert avec mon entendement, sans pouvoir y réussir. Il ne faut pas prendre pour des visions tout ce qui se présente à notre imagination. J'en ai vu des effets qui m'ont épouvanté. Quand cette cruelle ennemie s'enfuit ainsi hors du château pour s'aller mêler aux bêtes venimeuses qui l'entourent, il faut, avec notre entendement et notre volonté, chercher un refuge dans un autre monde qui est tout intérieur. Là, en dépit des obstacles, l'âme sent augmenter sans cesse les désirs qui la portent vers Dieu, et par suite elle s'approche de lui de plus en plus. Cette contemplation, qui suspend l'exercice des facultés, l'amène à prendre des choses divines une connaissance plus subtile, en même temps qu'elle augmente et ennoblit ses affections, elle se détache toujours plus d'elle-même. Si elle agit, elle l'ignore, elle ne sait qu'une chose, c'est que Dieu la baigne dans les flots de sa lumière et de sa grâce, elle est admise dans la cinquième demeure, et pratique l'oraison d'union. Sa quiétude dans la quatrième demeure ressemblait à un songe, je dis un songe, parce qu'elle semblait être assoupie, n'étant ni bien endormie, ni bien éveillée, tandis que dans cette oraison d'union, elle est très éveillée au regard de Dieu, et endormie à toutes les choses de la terre et à elle-même. Elle s'est détachée de toutes ces puissances qui sont comme autant d'instruments dont elle a besoin pour agir pendant qu'elle est enfermée dans la prison du corps. Ni l'imagination, ni la mémoire, ni l'entendement ne peuvent plus troubler le bonheur dont elle jouit. Dans la contemplation, même passive, elle n'avait pas perdu toute activité, cette activité était si peu apparente qu'elle n'en avait, pour ainsi dire, pas conscience, mais elle était réelle, il pouvait même arriver qu'elle ressentît encore quelque agitation, elle en était à peine émue, mais ce trouble, si léger qu'il fût, existait. Maintenant ces derniers vestiges de peine et d'inquiétude ont disparu, les facultés demeurent suspendues, mais le plaisir dont elles jouissent est si grand qu'elles en sont exclusivement occupées, sans qu'elles puissent savoir comment cela se fait. Voilà en quoi diffèrent ces deux demeures. Bien marqué ce progrès de l'âme et chose malaisée, essayons d'une comparaison. D'un œuf qui semble mort sort un ver assez difforme, qui bientôt tire la soie de sa propre substance, la file, En fait une coque, s'y enferme et y meurt pour en ressortir sous la figure d'un petit papillon blanc fort agréable. L'âme est comme l'œuf mystérieux que le péché avait fait mourir, fécondé par les bonnes œuvres, la méditation, la prière, il donne naissance à un ver qui travaille à filer la soie et à tisser cette coque qui est comme la maison où il doit finir sa vie. C'est demeure de l'âme, c'est Dieu. Travaillons donc à la construire comme le ver industrieux à construire sa coque, et qu'enfin il meure, ce ver, après avoir accompli son œuvre, sa mort nous fera voir Dieu, l'âme, comme le papillon sorti de la chrysalide, renaîtra dans le commerce divin. Mais qui pourrait dire en quel état elle se trouve après avoir été unie à cette grandeur incompréhensible et comme plongée en elle? Quel dégoût pour les choses d'ici-bas, quelle inquiétude pour retrouver son Dieu? Le papillon voltige çà et là, malheureux, égaré, ne sachant où aller, où se poser, après le bonheur dont il a joui, tout ce qu'il voit sur la terre lui déplaît. Surtout quand il a été comme enivré à plusieurs reprises du breuvage céleste, plus délicieux à chaque fois qu'on en boit. Ce dégoût de la terre n'est cependant pas l'indifférence égoïste, ni cette sorte d'union avec Dieu l'absolue séparation de l'âme et du monde, d'un être humain d'avec ses semblables. L'amour de Dieu ne consiste pas à répandre des larmes. Ni en cette satisfaction et cette tendresse que nous désirons d'ordinaire parce qu'elle nous console, il consiste à servir Dieu avec courage, à exercer la justice, à pratiquer l'humilité. Autrement il me semble que ce serait vouloir toujours recevoir, et jamais ne rien donner. L'union divine se fonde sur les œuvres de la charité, sur l'amour du prochain. C'est là la véritable union, car c'est n'avoir point d'autre volonté que la volonté de Dieu. Plus on aime ses semblables, plus on leur fait de bien, plus on aime Dieu, et plus on lui agrée. C'est à quoi l'on reconnaît qu'on est réellement passé de la quatrième à la cinquième demeure, dans l'oraison de quiétude. L'âme demeure en ce saint repos dont jouissait Madeleine sans oser remuer, dans l'oraison d'union, elle se trouve capable d'agir comme Marthe. Ainsi l'on peut dire qu'elle est tout ensemble dans la vie active et dans la vie contemplative. D'où vient donc, ô mon Dieu, qu'une âme qui ne veut avoir d'autre contentement que celui de vous contenter, vous quitte souvent pour aller servir ses sœurs, comme si elle se lassait de jouir en vous d'un si saint repos. Ô amour tout-puissant de mon Dieu, que tes effets sont différents de ceux que produit l'amour du monde, celui-ci fuit toute société, parce qu'elle le sépare de ce qu'il aime, le vôtre, mon Dieu, s'en augmente au contraire, l'âme doit donc travailler à se rendre digne de son avenir. Qu'on ne s'imagine pas que pour fonder l'édifice spirituel, il suffise de méditer et de prier, il faut s'avancer par la pratique des vertus effectives, qui n'avancent pas, reculent, car l'amour ne peut pas demeurer toujours dans le même état. Cependant le mystique qui mène n'est pas accompli, ce n'est encore que l'entrevue avec le divin fiancé, et de cruelles épreuves retardent le dénouement. Blessée d'amour, l'âme en vit la solitude, elle en est distraite par les murmures des personnes avec qui l'on converse d'ordinaire, et même de celles avec qui l'on n'a point de commerce, dont on ne se serait pas imaginé qu'elles dussent jamais penser à vous. Qu'est-ce que ces murmures ? Sinon des critiques contre les âmes aspirant à une perfection qui les distingue des âmes ordinaires. Note. Sainte Thérèse s'excuse de ces comparaisons profanes, mais elle n'en trouve pas de plus propres à faire entendre sa pensée. On agit si faiblement en ce qui regarde le service de Dieu, que ceux qui marchent dans ses voies doivent se donner la main pour s'entraider. Lorsqu'une personne commence à se donner à Dieu, tant de gens en murmurent qu'elle a besoin de l'assistance d'autrui pour la défendre, jusqu'à ce qu'elle soit assez forte pour ne plus craindre de souffrir, sinon, elle se trouve dans une grande détresse. Voilà sans doute pourquoi les saints s'enfuyaient dans le désert. À ces peines s'ajoutent celles des heures de désespérance, où le Dieu qu'on implore ne répond pas assez vite aux larmes qu'il appelle, enfin les maladies, les douleurs aiguës, le plus grand tourment extérieur que l'on puisse endurer sur la terre, parce qu'elles réduisent l'âme à ne savoir que devenir. Plus l'âme va s'isolant du monde, plus il devient difficile, pour ne pas dire impossible, de rendre compte de ce qu'elle éprouve. Mais bien que cet état ne puisse guère être décrit, il n'en est pas moins réel. Il ne résulte ni d'un piège du démon, ni des rêveries dangereuses d'un caractère mélancolique, ni des erreurs de l'imagination. L'heureuse peine, la douleur délicieuse qu'éprouve l'épouse quand elle se sent appelée par l'époux sont de nature à faire disparaître à cet égard le doute et la crainte. Les peines que cause le démon n'ont jamais ces douceurs paisibles. L'inquiétude et le trouble les accompagnent, les fantômes de l'imagination laissent place au doute, et dans cet état l'âme ne doute point, la mélancolie, qui enfante des chimères, n'agit que sur l'imagination, au lieu que ces heureux sentiments procèdent du plus intérieur de l'âme. Les paroles divines ont une clarté à laquelle n'atteint pas la voix de l'imagination, elles frappent à l'improviste. Elles sont quelquefois tout à fait étrangères aux objets dont celles-ci s'occupaient, elles répondent à des idées qui ne font que passer un moment dans notre esprit, sans que nous y fassions réflexion, ou à des pensées que nous n'avons plus, ou à des choses auxquelles nous n'avions jamais songé. Ce qui prouve que notre imagination n'a pu se les figurer pour nous flatter dans nos désirs. En dernier lieu, dans le parler divin, l'âme est comme l'esprit qui écoute véritablement ce qu'on lui dit et ce qui vient de Dieu, tandis que dans le fait de l'imagination elle est comme celui qui compose ou à peu près ce qu'il veut qu'on lui dise. Désormais plus de troubles, plus d'illusions en elle. Elle est véritablement ravie jusqu'à Dieu, elle n'en est plus à l'entrevue, mais aux fiançailles. Celles-ci ont lieu dans la sixième demeure où mène le ravissement proprement dit, car il y en a de plusieurs sortes. Ce qui constitue la différence, c'est la manière d'y tomber, le degré d'anéantissement où il plonge, les résultats qui en proviennent. Il n'y a pas de porte close entre les deux dernières demeures, on peut entrer de l'une dans l'autre. Les sens, les facultés restent en dehors de cette étroite communication avec Dieu. Les portes de la demeure, celles même du château sont fermées, le corps devient froid, la parole, la respiration sont suspendues, les yeux se ferment. Le plus léger mouvement coûterait les plus pénibles efforts. Néanmoins ce n'est pas là un état maladif, une excitation purement nerveuse ou cérébrale, une défaillance qui suspend l'usage des sens, après une grande contention d'esprit, n'est pas un ravissement. La marque d'un véritable ravissement, pendant lequel Dieu est dans une âme comme dans le ciel empiré, est tellement unie à elle qu'elle n'est plus qu'une même chose avec lui, c'est que l'âme revenue à elle, même se souvient à merveille de ce qu'elle a vu et éprouvé. Or, dans les fiançailles, Dieu commence à lui découvrir ses secrets, à lui faire entrevoir bien qu'obscurément les félicités qu'il lui réserve en l'autre vie. Lui est-il permis de révéler ses visions, Elles sont de deux sortes, intellectuelles ou représentatives. Intellectuelles, quand Jésus se trouve près d'une âme sans qu'elle le voie ni des yeux du corps ni des yeux de l'esprit, elle dure plusieurs jours, quelquefois plus d'un an. C'est comme si nous avions dans une boîte d'or une pierre précieuse d'une valeur et d'une vertu admirable, sans que nous l'eussions jamais vue ni ne la puissions voir. S'il ne plaît à celui à qui elle appartient, et qui nous l'a prêtée, représentative, lorsqu'elle tombe sous l'essence, la boîte s'ouvre, le joyau merveilleux est offert, pour un instant, à nos regards. Jésus se montre à nous, conforme à notre nature imparfaite, elles nous sont douces et profitables, mais il ne faut pas les chercher, et elles restent toujours inférieures aux pures visions intellectuelles. On peut les raconter, mais non celles-ci, qui sont sans image, sans forme, et trop sublimes pour devenir un sujet de conversation. Néanmoins, si l'âme n'est pas toujours à même d'expliquer ces phénomènes, elle en a conscience. Elle n'a jamais plus de lumière qu'alors pour comprendre les choses de Dieu. Comment il se fait que dans ce sommeil et presque cette mort des sens et des facultés, elle puisse comprendre, c'est un secret que nulle créature peut être n'entend, et que Dieu s'est réservé ainsi que bien d'autres. Enfin, l'âme est digne d'accomplir le dernier acte de l'union, Dieu la ravit jusqu'à la septième demeure, d'une manière soudaine et violente. C'est le vol de l'esprit. Ce n'est pas sans trouble qu'on se sent ainsi enlever son âme, et quelquefois son corps avec elle, comme il est arrivé à plusieurs saints, et cela avec une telle force qu'on tenterait en vain de résister à cet entraînement impétueux. On se trouve dans une région toute différente de la région terrestre. On y voit une lumière infiniment plus brillante que toutes celles d'ici-bas, et l'on est instruit en un instant de tant de merveilles, qu'on ne pourrait en plusieurs années en imaginer la moindre partie. Il semble que l'âme soit séparée du corps, l'est-elle en réalité? Le soleil lance ses rayons sur la terre et pourtant il ne sort pas du ciel, ainsi l'âme et l'esprit, qui sont unis comme le soleil et ses rayons, ne peuvent-ils pas, tout en restant dans le corps, sortir d'eux, même sous l'influence de la chaleur du soleil de justice, qui est Dieu. Quoi qu'il en soit, Dieu est descendu dans la substance de l'âme, dans son centre intérieur, pour l'instruire secrètement, sans parole, sans l'aide d'aucun sens, par des moyens qu'elle ignore. Les mystères fermés aux yeux de ce monde éclatent dans la splendeur de l'ineffable vérité. La Trinité se révèle à l'âme, ce qui commence par une nuée toute brillante de lumière qui se présente à l'esprit et dans laquelle, par une admirable connaissance qui lui est accordée, les trois personnes divines lui semblent distinctes et séparées. En même temps, elle comprend avec une entière certitude qu'elles ne sont toutes trois ensemble qu'une même substance, une même puissance, une même sagesse, et un seul Dieu, en sorte que l'on peut dire que l'âme connaît et voit comme avec les yeux ce que l'on ne connaît ici-bas que par la foi. Il ne s'agit pas ici des yeux du corps ni de ceux de l'imagination. S'il est question de vision, ce n'est que d'une vision intellectuelle, l'esprit n'ayant plus besoin de formes sensibles ou imaginaires pour apercevoir la vérité. L'âme est devenue une seule chose avec Dieu, elle se confond avec lui. Qui pourrait diviser, séparer deux flammes si ardentes? On l'essaierait en vain, car elle n'en forme qu'une seule. L'union est désormais permanente, indissoluble, c'est le commencement du bonheur permis aux élus. Recevant ces grâces inépuisables, L'âme sait que le principe d'où elle procède est Dieu même qui est en elle comme une source qui l'arrose, comme une flèche qui la pénètre, comme la vie de sa vie, comme un soleil si brillant que sa lumière se répand sur toutes ses puissances intérieures. En cet état, elle ne sort point de ce centre, ni ne sent troubler sa paix. Parce qu'elle la reçoit de celui-même qui la donna aux apôtres assemblés en son nom. Il n'est point douteux que ces paroles dont usa notre Seigneur pour nous donner sa paix, et celles dont il se servit à l'égard de Madeleine, lorsqu'il lui dit « Allez en paix », n'aient un sens bien plus grand qu'on ne saurait l'exprimer, car les paroles de Dieu étant des actes, elles doivent opérer de telle sorte dans les âmes disposées à les entendre, qu'elles les fassent renoncer à tout ce qu'elles gardaient encore de corporel, pour n'être plus qu'un pur esprit capable de s'unir par une union toute céleste à l'esprit incréé. Mais au milieu de ces joies si pures, l'âme ne peut rester longtemps étrangère à la vie terrestre. La voix de l'impitoyable réalité l'avertit que son exil dure encore. De là une double vie, une partie de l'être humain semble habiter les sommets du ciel, et l'autre se traîner dans la boue. Tant qu'elle est sur la terre, l'âme contemplative se heurte fatalement au brutal contact de ce monde, elle secoue avec angoisse les chaînes de sa prison. Ô mort, qui pourrait te craindre, toi à qui l'on devra la vie? Ô vie ennemie de mon bonheur, que ne m'est-il permis de te finir? Je te souffre parce que mon Dieu te souffre, j'ai soin de toi parce que tu es à lui, mais ne me trahis pas, ne me sois pas ingrate. La vie spirituelle est une lutte dont l'arme est l'amour et dont le prix est Dieu. Lutte de longue durée, sujette à des retours soudains, exigeant plus de persévérance que de force, aussi tous les mystiques en ont-ils compté les degrés et recouru, pour les désigner, à l'allégorie. Les uns dressent une échelle de la terre au ciel, les autres promènent l'âme dans les diverses parties d'un jardin, dans les sinuosités d'une vallée, où lui montre l'étoile mystérieuse ceux-là, les plus nombreux, ouvrent trois chemins, celui de la purification, celui de l'illumination, celui de l'union. Saint Bonaventure écrit le voyage de l'esprit vers Dieu, le carquois, l'arbre de vie. Hugues de Saint-Victor, la nourriture d'Emmanuel, le miroir de l'Église. L'explication mystique de l'Arche Sainte. Saint Jean Climac, l'échelle du paradis, de Nice le Chartreux, la source de la lumière. Sainte Catherine de Bologne, les sept armes spirituelles contre le tentateur, Madame Guillon, les torrents. Chez la Castillane Thérèse, n'y a-t-il pas une réminiscence de ces poèmes chevaleresques qu'elle avait en goûté? C'est un château, une forteresse à prendre. Il semble voir un chevalier partir pour la conquête de la rose mystique. Nous sommes dans la patrie du si, il y a, dans cette âme en quête de son Dieu, de la vaillance, de l'amour et de la raison. Aussi ce roman, sorti d'une imagination honnête et riante, est-il des plus chastes et des plus purs, et, sous sa forme allégorique, il a la profondeur d'une doctrine. C'est un système de mysticisme chrétien dont l'exposé qui précéda donnait une idée, mais dont il est temps de signaler les caractères essentiels. Le premier est marqué par le point de départ de Sainte Thérèse, qui est la connaissance de soi-même. L'observation interne, procédé familier à tous les mystiques, l'est particulièrement aux Espagnols, mais aucun d'eux n'en a fait un usage plus habituel et plus fécond que Sainte Thérèse, qu'elle ait cherché surtout le chrétien dans l'homme, Cela n'est pas douteux, mais pour arriver à l'un il est indispensable de passer par l'autre. Si le chrétien est dans l'homme, l'homme est aussi dans le chrétien. Elle ne l'ignorait pas, la preuve, c'est qu'elle est convaincue de la nécessité de se replier sur soi-même et de s'étudier. D'un côté, dit-elle, nous serons plus portés à l'humilité par la considération de notre néant, c'est la part du chrétien, de l'autre, c'est la part de l'homme, notre intelligence et notre volonté en deviendront plus nobles, plus aptes à toute espèce de bien. Mais ce qui est surtout à noter, c'est la justesse pénétrante avec laquelle elle saisit les difficultés de l'observation psychologique. Ce n'est pas sans quelque surprise qu'on la voit deviner l'objection si souvent répétée de nos jours contre la légitimité de la psychologie, et qui ne paraît même pas s'être présentée à l'esprit de Jean d'Avila et de Louis de Grenade. Elle ne se demande pas comment le moi, étant à la fois sujet et objet, peut s'étudier et se connaître, mais sa pensée est la même, quoique autrement formulée. J'ai bien l'air, dit-elle à propos de l'allégorie du château, d'énoncer quelque extravagance, car si ce château est l'âme, il est clair qu'elle n'y saurait entrer, puisque l'âme n'est autre chose que ce château, on n'entre point là où l'on est. Elle ne recule pas, comme on le voit, devant l'objection, si elle ne la réfute pas comme un psychologue d'Édimbourg. Elle le fait néanmoins avec tant d'assurance, sous l'enveloppe de son langage figuré, que la force et le sens de sa réponse ne peuvent nous échapper. Il y a mille manières d'entrer et d'être en soi, certaines âmes se tiennent dans les alentours du château, sans y pénétrer, sans même soupçonner qu'il renferme un endroit si précieux. Ce sont les âmes attachées aux choses extérieures, habituées à vivre avec les reptiles et les bêtes, c'est-à-dire, tyrannisées par les passions et les vices, moins que cela, les âmes honnêtes, mais aveuglées par les préoccupations mondaines, incapables d'entrer en elles-mêmes et de se connaître, et, comme si elles craignaient de n'être pas comprises, Sainte Thérèse a soin de répéter que pour l'âme, entrer dans ce château, c'est entrer en soi. Si donc l'âme veut communiquer avec Dieu, elle doit d'abord se connaître, car n'est-ce pas folie de s'imaginer qu'on puisse pénétrer dans le ciel, la dernière demeure, sans être auparavant entré en soi-même? Elle admet donc le fait comme réel et possible, elle fait plus, elle indique le principal obstacle à l'observation interne, du même coup, elle pose le premier principe de la vraie méthode philosophique, passer de la connaissance de soi-même à la connaissance de Dieu. La tendance chrétienne s'allie admirablement ici avec la maxime socratique, base réelle de la philosophie. Et l'accord est surtout visible au début, puisque le point de départ est identique. L'homme qui s'ignore lui-même ne saurait rendre à la divinité les hommages convenables ni en obtenir ce qu'il implore. Se connaître soi-même, c'est être sage. C'est encore connaître l'univers et Dieu. C'est enfin atteindre un but plus élevé. Le zèle que nous mettons à accomplir le précepte « Connais-toi toi-même » nous conduit au véritable bonheur, qui a pour condition l'amour de la sagesse, la contemplation du bien, laquelle est le fruit de la sagesse, et la connaissance des êtres véritables. Dans ce cas, Dieu nous ordonne de nous connaître nous-mêmes, non pour nous livrer à l'étude de la philosophie, mais pour arriver au bonheur par l'acquisition de la sagesse. En effet, trouver notre essence réelle, la connaître véritablement, c'est acquérir la sagesse. Or, Le propre de la sagesse est d'avoir la science véritable de l'essence réelle des choses. Et la possession de la sagesse conduit au véritable bonheur. Qui parle ainsi? Retrancher quelques expressions d'une provenance trop visiblement philosophique, et ce langage ne surprendra pas dans la bouche de Sainte Thérèse. Il est de Porphyre. Un autre alexandrin, Proclus, interprétait ainsi le même précepte. La doctrine exposée dans les dialogues de Platon et la philosophie en général nous paraît savoir pour principe fondamental la connaissance de notre nature, en la prenant sagement pour base de nos spéculations. Nous saurons avec exactitude quel est le bien qui nous convient et quel est son contraire. Le précepte « Connais-toi toi-même » indiquait, je crois, la manière de s'élever à Dieu et le moyen le plus sûr de se purifier. Il disait aux esprits capables de le comprendre, que celui qui se connaît lui-même peut, en débutant ainsi par le vrai principe, s'unir au Dieu qui nous révèle toute vérité et nous guide dans la vie purificative. Quand Socrate dit que pour se connaître, il faut étudier l'âme dans cette partie où réside toute sa vertu, avoir l'œil fixé sur la lumière divine, il enseigne en philosophe ce que Sainte Thérèse enseigne à sa manière. Pour Sainte Thérèse, comme pour Socrate et tout vrai philosophe, la connaissance de soi-même n'est pas un but, mais un moyen. Elle s'obtient par la prière, mais la prière a ses degrés, et le premier n'est pas l'extase. L'oraison est d'abord le recueillement de l'âme se retirant en elle-même, ouvrant les yeux de l'esprit sur le monde interne. Au début, elle n'exclut pas la réflexion, elle en a besoin. Le passage suivant ne laisse aucun doute à ce sujet. La porte pour pénétrer dans le château est l'oraison tant vocale que mentale, et accompagnée d'attention, sans quoi ce ne peut être une véritable oraison, car pour faire que c'en soit une, il faut considérer à qui l'on parle, ce que l'on est, ce que l'on demande, et à qui on le demande. Si on s'habituait à dire à Dieu tout ce qui vient en la pensée, ce que l'on sait par cœur, je ne saurais croire que cela pût passer pour oraison. On a dit qu'Ignace de Loyola avait été seul capable de s'analyser froidement, logiquement, dans cet état d'extase qui est l'opposé de l'état réfléchi, cela est au moins aussi vrai de Sainte Thérèse, à cet égard. Ces écrits pourraient être mis à côté des exercices spirituels, de là, chez elle, des intuitions qui étonnent, elle devine la psychologie, elle la lit dans son âme, elle a rencontré chez quelques théologiens scolastiques ces idées banales qu'il y a plusieurs âmes ou plusieurs parties dans l'âme, que son siège est dans la tête, que les facultés ou puissances sont la volonté. L'entendement, la mémoire, elle médite sur ces données, voyons ce qu'elles deviennent entre ses mains. Elle comprend d'abord, tout aussi bien que Platon, Aristote, Cicéron, Saint Thomas et tant d'autres, que cette division apparente de plusieurs âmes, ou de l'âme en plusieurs parties, ne porte pas atteinte à l'unité essentielle du moi. Mais en désigne simplement les modes divers, les états multiples. Elle affirme donc son indivisibilité, implicitement sa spiritualité, tout en étant frappée de la multiplicité de ses manifestations. Elle renouvelle la distinction platonicienne et fournie par le platonisme à la philosophie chrétienne, entre l'âme et l'esprit, là, distinction délicate, bien qu'il soit une seule et même chose, unité de la substance spirituelle. Parfois l'un paraît agir d'une façon et l'autre d'une autre, Il y a aussi une différence entre l'âme et les facultés. Quel est le rôle des facultés? L'entendement fait comprendre à l'homme que son meilleur ami est Dieu, et que la paix est en Dieu. La mémoire lui rappelle la fin de toutes choses et lui remet sous les yeux tous ceux qui sont morts au milieu des biens passagers de ce monde, et qui maintenant sont une poussière que le paix s'enfoule aux pieds. La volonté, dont l'objet est le bien et qui n'est autre que le désir d'aller à Dieu, de lui appartenir et de le posséder, le porte à aimer celui qui seul lui donnera le bonheur. L'utilité de chacune d'elles est ainsi reconnue, à une exception près, l'imagination, cette vagabonde aussi impossible à retenir dans sa course que le ciel dans son mouvement rapide, cet ennemi de l'entendement et de la volonté, cette sœur de la mémoire et de la mélancolie. Car il ne lui suffit pas de peupler de fantômes le cloître silencieux, elle ne se contente pas de ses propres chimères, elle évoque, pour les embellir d'un perfide éclat, les souvenirs du passé, elle mène le cœur des rêveries décevantes, des vagues et mortelles tristesses. Ici, plus que partout ailleurs, où il s'agit, pour l'âme recueillie dans le calme du ravissement, de s'unir à la source de toute vérité, il importe de discerner et de fuir les illusions de cet ardent mirage, cela n'est possible que si l'on est assez libre d'esprit pour se juger soi-même de sang-froid, et comme s'il s'agissait d'autrui. Cette condition, qu'on croirait irréalisable pour les mystiques, Sainte Thérèse la remplit, il semble que la loi qu'elle impose à l'âme de se connaître, est pour elle, non seulement l'autorité d'un précepte d'humilité chrétienne, mais la force d'un principe philosophique. Elle y gagne, en tout cas, avec une profonde connaissance du cœur, dont elle fait profiter ses religieuses, une vue nette des faits psychologiques. À force de s'étudier, elle s'aperçoit que l'imagination peut s'égarer sans que l'entendement faillisse, que celui-ci n'est pas coupable des écarts où elle tombe, qu'il a mission de la redresser, et que par suite l'âme peut être unie à Dieu, le contempler et l'entendre, pendant que l'imagination fait sa compagnie des misères extérieures. Ce n'est pas sans peine qu'elle s'en est convaincue. Longtemps elle a confondu l'entendement avec l'imagination, et elle ne pouvait voir sans douleur qu'il fût si inconstant et si volage, mais, ayant fini par s'éclairer, elle ne craint plus la folle du logis, et en compare ingénieusement les effets à ses papillons nocturnes, incapables de nuire, mais importuns et fatigants. Elle n'est pas la seule qui ait fait cette observation. Plotin pensait aussi qu'il y a dans l'âme une partie qui reste impassible et pure, pensant et contemplant l'intelligence divine, même quand l'autre, entraînée par le principe irrationnel, cède aux séductions imaginatives. Un homme qui ne passait pas pour un mystique, le père de Ravignan écrivait, « Les chimères de l'imagination ne sont rien ». C'est un songe vain qui n'empêche pas de demeurer content dans le Seigneur, d'être uni à lui dans l'oraison, quoique distrait. On pourrait croire que, ramenant la volonté au désir, et en quelque façon à l'amour, elle sacrifie le libre arbitre et la personnalité, elle eût été excusable de céder aux entraînements presque forcés de tout mysticisme. Et d'en ignorer les conséquences, il n'en est rien, elle ne perd pas, dans cette délicate question, le ferme regard qui lui est ordinaire. Elle se préoccupe de savoir si, dans le ravissement, l'âme est capable de mérite, il y a lieu de se demander si l'âme, quand elle est dans cet état, tellement hors d'elle, même que ses puissances paraissent ne plus pouvoir agir, est susceptible de mériter. elle se rejette sur les secrets de Dieu, qui ne seraient pas impénétrables si notre entendement les sondait à son gré. Mais une seconde interrogation qu'elle s'adresse peut-être prise pour une réponse affirmative à la première, est-il vraisemblable que l'âme ne profite pas, en méritant, d'une si précieuse faveur? Or, le mérite n'est pas ou n'est point la liberté. Elle a, comme les autres mystiques, ses contemporains, le sentiment énergique de la personnalité humaine, elle exige avant tout le consentement de l'âme qui se donne à Dieu, et le soin qu'elle met à étudier le moi attesterait à lui seul qu'elle ne veut pas aller jusqu'à l'annulation du moi, chercher à se connaître, ce n'est pas s'annuler, et telle est la fécondité de ce précepte, qu'une fois admis, il sauve l'âme, même en extase, du danger de s'abîmer en Dieu, de se fondre dans l'anéantissement. Sainte Thérèse veut que la créature ne se perde jamais de vue, même dans la demeure brillante où se consomme le mystique hymène, parce qu'elle ne doit jamais oublier sa bassesse. La personnalité n'est pas détruite, car si on n'est pas toujours à même de rendre compte des merveilleux phénomènes qui s'accomplissent, néanmoins on en a conscience. On n'a jamais plus de lumière qu'alors pour l'intelligence des choses de Dieu. Comment il se fait que la conscience persiste dans ce sommeil, dans cette mort des sens et des facultés? C'est ce que Sainte Thérèse ne saurait expliquer, mais elle se le demande, et cette question seule a déjà sa valeur. Qu'après cela elle se laisse emporter à des métaphores irréfléchies, l'âme se confond avec Dieu comme l'eau d'un fleuve avec les flots de la mer où il se jette, comme un feu réuni à un autre feu dans un même foyer. Comme une double lumière entrant par deux fenêtres et se mêlant dans la même pièce, elle ne se doute pas, soyons-en certains, qu'elle effleure un abîme, l'accuser de panthéisme serait puéril. Fénelon, ce bel esprit chimérique, a peut-être eu plus de sang que Bossuet dans sa manière d'apprécier le style figuré, peu précis, des mystiques. Même les plus approuvés, dit-il, ont beaucoup exagéré Saint Clément et plusieurs des principaux pères ont parlé en des termes qui demandent beaucoup de correctifs. La plupart de ces expressions, pleines de transport, sont insoutenables si on les prend dans toute la rigueur de la lettre. Il faut entendre la personne aussi. Quand on lira encore dans Sainte Thérèse que l'amour ne doit pas être mercenaire, que l'âme doit entièrement s'abandonner à Dieu, s'il veut l'enlever au ciel, qu'elle y aille, s'il veut l'amener en enfer, qu'elle s'y résolve sans plus s'en mettre en peine, puisqu'elle ne fait que le suivre et qu'il est tout son bonheur, on ne sera pas davantage en droit de conclure qu'elle est quiétiste. Bossuet s'est donné beaucoup de peine pour la défendre de cette imputation, mais l'esprit de sa doctrine tout entière, le caractère moral et pratique, autant que le mysticisme peut être pratique, qui la distingue, la sépare profondément du quiétisme. Elle est loin de poursuivre cette contemplation passive, cette absolue quiétude qui produisent l'anéantissement de soi, l'absorption en Dieu, qui rendent inutile la prière, l'espérance, la foi, quand l'âme, inondée de la lumière divine, devenue identique à Dieu, sans conscience, partant sans amour, s'est perdue dans le sein de l'être pour ne se jamais retrouver. Elle est loin de prêcher cette énervante théorie qui tue les affections, fausse la nature, pervertit la conscience, et finalement aboutit aux aberrations de l'impeccabilité. Elle n'enferme pas l'âme dans la stérile immobilité d'une prière inerte, d'un égoïsme coupable. Elle veut qu'elle travaille à se perfectionner, qu'elle mérite, que l'amour dont elle brûle pour son Dieu se déverse en charité sur ses semblables. La charité active est à Saint Thérèse ce que la science est au mystique philosophe, à Plotin, à Porphyre, à Ibn Roche, à Véroé. La condition de l'union divine est un préservatif contre les folies absurdes ou immorales de l'ascétisme, les alexandrins n'amnistient pas les fautes de l'âme et du corps quand le NOCCD est avec Dieu. Si le mystique époux est un époux jaloux, il ne l'est que des vaines ou criminelles attaches, il souffre, bien plus, il commande l'amour du prochain. Mesurez vos progrès dans l'amour de Dieu sur vos progrès dans l'amour du prochain. On sait à quoi s'en tenir sur le degré d'affection qu'on porte à autrui. Le jour se fait dans l'esprit, qu'on le veuille ou non. Moins aisément on voit clair dans l'amour que l'on porte à Dieu. Plus rarement on est sûr de l'aimer pour lui-même et de la manière dont il lui plaît d'être aimé. Aimez donc votre prochain de tout votre cœur, d'un amour sincère, complet, effectif, ce sera le signe que vous aimez Dieu et que votre amour lui agrée. L'union divine est la récompense de la charité, Dieu veut que l'on commence par aimer autrui pour mériter de l'aimer et de le posséder lui, même, alors, par une sorte de réciprocité. Un des effets de son amour sera d'augmenter en vous celui de vos semblables. L'âme, enivrée des délices célestes, voudrait y faire participer ses sœurs, y associer tout l'univers, en voit, elle quelqu'une s'avancer dans ce chemin, elle se réjouit. S'en écarter, elle pleure. C'est une chose incroyable que la véhémence de cet amour qu'on a pour une âme, que de larmes il fait répandre, que de pénitence il produit, que de prières il fait adresser à Dieu. L'amour qui n'agit pas est-ce un amour sincère? La charité est donc une source d'action, quoiqu'il semble que l'âme ne puisse s'adonner à l'action qu'au détriment de la contemplation. Ces deux choses ne sont pas incompatibles, Marthe et Marie peuvent marcher de concert, car l'intérieur opère dans les choses extérieures non, mes sœurs, Dieu ne se contente pas des paroles et des pensées, il exige des effets et des actions, si donc vous voyez une malade que vous puissiez soulager en quoi que ce soit, quittez hardiment votre dévotion pour l'assister, compatissez à ce qu'elle souffre et que sa souffrance soit vôtre, et si pour la faire manger il vous faut jeûnez avec joie. Remarquons ce langage. Le mysticisme espagnol a la vertu qui manque à tout le monde au XVIe siècle, à Luther comme au duc d'Albe, à Léon-Dix comme à Calvin, la pitié. Il tranche par là sur le fond sanglant et sombre du siècle le plus impitoyable de l'âge moderne. Cette tendance si chrétienne et on peut dire si féminine est particulièrement sensible chez Sainte Thérèse, elle eût suffi à elle seule, par les conséquences morales qui en découlent, pour préserver la religieuse d'Avila des excès du quiétisme, mais Sainte Thérèse, qui ressemble si peu à l'ami de Fénelon par la doctrine, lui ressemble encore moins par le langage et le caractère. Malgré la hardiesse d'expression familière à tous les mystiques, on peut raconter ses extases sans demander, comme Bossuet à propos de celle de Madame Guillon, un séraphin, avec le plus brûlant de tous ses charbons, pour purifier des lèvres obligées à ce récit, plus instruite, plus docile, plus simple, d'un jugement plus droit, d'une imagination plus contenue, elle n'a pas les ambitions épithalamiques de Madame Guillon, jamais elle ne s'est posée comme la pierre angulaire de l'Église, comme la femme de l'Apocalypse, parée du soleil et des douze étoiles, comme l'épouse de Jésus enfant, au-dessus même de la mère du Christ, jamais elle n'a osé dire que c'est au serviteur de prier et non à l'épouse. La présomption est le péché mignon des mystiques, a-t-on dit. Exceptons Sainte Thérèse, elle a trop d'humilité, humilité qui procède de sa foi, mais aussi d'un rare bon sens. L'inspiration s'allie chez elle à la mesure, à la réflexion, elle ne méprise ni la raison, ni la science, elle tient compte de tous les éléments de la nature humaine. C'est là ce qui la met hors de pair avec les extatiques dont les noms fourmillent dans l'histoire de l'Église, même les plus célèbres, ni les visions et les lettres de Marguerite de Duin et de Mechtilde au XIIIe siècle, ni les obscures révélations ou prophéties de Sainte Gertrude, celle plus obscure encore de Sainte Brigitte, ni les traités diffus de Sainte Catherine de Sienne au XIVe et de deux autres Catherine au suivant, ne peuvent entrer en parallèle avec les écrits de Sainte Thérèse. Nul mérite de pensée, de forme ou de composition ne les recommande en dehors de leur objet spécial, et nulle clarté psychologique ne jaillit de leur fastidieuse lecture. Il n'en est pas de même pour Sainte Thérèse, aussi ai-je tenu à mettre en lumière ce côté, l'un des plus intéressants et peut-être des moins connus de son génie. Assurément cette humble et pieuse femme eût été fort surprise qu'on découvrit dans ses œuvres, fruit de son expérience personnelle dans la vie intérieure, autre chose que de la théologie mystique, et encore ce mot lui eût-il paru trop ambitieux pour une ignorante pécheresse. Je n'ai donc pas la prétention de révéler au monde un philosophe posthume, ni de décerner à la réformatrice du Carmel une gloire dont la pensée eût probablement inquiété sa foi et à coup sûr alarmé son humilité, mais comment n'être pas frappé de l'aptitude psychologique dont elle était douée? Les profondeurs de la nature humaine s'éclairent parfois sous son regard de lueurs étonnantes. Il n'est pas exagéré de voir dans ses ouvrages une vaste psychologie mystique, et c'est là ce qui en constitue l'originalité. À l'époque où Thérèse, en attendant Bacon et Descartes, essayait de donner à la philosophie une méthode nouvelle, Sainte Thérèse donnait la sienne à la seule philosophie alors possible en Espagne, le mysticisme catholique. Enfin Leibniz tenait ses écrits en grande estime, lettre à l'abbé Morelli, 1696. Qu'on ne la décore pas du bonnet de docteur, comme en certains de ses portraits, je ne demande pas mieux, mais qu'on lui fasse plus d'honneur que ne lui en a fait le Bernin, qu'on ne la rapetisse pas à des proportions inintelligentes. La Sainte Thérèse de l'histoire, celle que ses contemporains ont vue à l'œuvre, celle qui ressort de ses propres écrits, cette haute intelligence, ce grand cœur, cette femme héroïque, supportant le froid, la pauvreté, la fatigue, la maladie, travaillant de ses mains, je ne la reconnais pas dans le marbre, plus profane que chrétien, de l'église della Vittoria. Cette patricienne romaine du XVIIe siècle, à la pose affaissée, aux traits élanguis, aux yeux noyés d'une ivresse plus humaine que divine, trop belle et trop jeune, visitée par un ange trop jeune et trop beau, attendant le Dieu, Deus, ex Deus, palpitant, presque évanoui, sous la voluptueuse angoisse de l'extase, et peut-être une élève de Molino. Elle n'est pas la personnification du mysticisme héroïque de l'Espagne. Au moment de quitter Sainte Thérèse sur le seuil de ce monde invisible, de cette patrie perdue où l'emporte sa toit sur les ailes de l'amour divin, une question se présente à son propos comme à propos de toute extatique. La question du surnaturel. Par la sincérité de sa nature, la simplicité de sa bonne foi, Sainte Thérèse écarte de prime abord toute fin de non-recevoir. Oui, elle a eu des extases, des visions, des révélations. Elle a pu vivre par instant dans une insensibilité complète des organes des sens et du mouvement, sans autre activité que celle du sentiment et de la pensée, l'âme dépouillée en quelque sorte des organes corporels. Elle a pu s'abstraire de la manière la plus surprenante de la vie du corps, et, dans cette disposition étrange, entendre la parole de Dieu, voir les saints, les anges, la Vierge, Jésus. On n'a pas plus lieu d'en douter que de douter des voix qu'entendait Jeanne d'Arc, et Nicolas a raison de dire que ce serait faire mal à propos l'esprit fort, mais le fait admis, la difficulté reste entière, le 19e siècle, qui ne vend plus croire au miracle, croirait assez volontiers au spiritisme et à son aîné, le magnétisme. Nos modernes visionnaires nous rendront-ils compte de l'extase? Nul homme de bon sens ne hasarderait un tel paradoxe, on n'assimilerait pas davantage Sainte-Thérèse au possédé de Loudun, au trembleur des Cévennes, au miraculé de Saint-Médard. Les récents procédés de la critique physiologiste nous offrent, il est vrai, une explication commode. Il ne tiendrait qu'à nous de ramasser d'une main soigneuse mille et mille circonstances de race, de famille, de sexe, de tempérament, d'éducation, de milieu, de latitude, de les grouper, de les combiner et d'en faire surgir à coup sûr, sans erreur comme sans embarras, cette puissante et singulière individualité, marquée de son cachet, et sous le jour le plus propre à l'éclairer. Il ne s'agit pas de proscrire sans rémission toutes ces causes secondes, il est si évident que tout être humain est soumis, dans son développement, à l'action de ses forces d'origine et de conditions très diverses, qu'énoncer une vérité si banale est chose superflue. Mais ce qui n'est pas moins évident, c'est que, eût-on réussi, succès au moins problématiques, à saisir et à fixer dans leur connexité subtile et mystérieuse ces innombrables et fugitifs éléments, on n'y lirait pas encore le mot des vivantes énigmes que présente la nature humaine. On ne réduit pas les faits de la vie morale, même après coup, à des lois inflexibles, on aura beau emprunter à la science de la matière ses creusets, il en sortira tout au plus l'homme inculte de Faust, jamais un génie, un cœur, une âme vivante. Est-ce à dire qu'exclusif en sens contraire, on ne doit en appeler qu'à une psychologie étroite et se rejeter, par exemple, sur l'imagination? Sans doute, les mystiques ont l'esprit pénétré d'idées religieuses, ces idées prennent corps, et, revenant à eux, ils les traduisent dans des récits plus ou moins fidèles. L'imagination et la foi, n'est-ce pas la clé d'or qui ouvre aux âmes croyantes, dédaigneuses de la terre, amoureuses du ciel, les portes de l'invisible inconnu? Cependant, Sainte Thérèse a pris un soin particulier de distinguer les vaines rêveries, les créations fantastiques de cette main merveilleuse et décevante faculté, des vérités essentielles et assurées qu'elle retirait de ses extases. Elle a pu s'abuser elle-même quelquefois, bien qu'involontairement, mais elle est si explicite, si précise sur ce point, elle y insiste avec tant de force, qu'il faut bien tenir compte de ce qu'elle en dit. D'ailleurs, l'état extatique est en soi trop excessif pour ne pas dépasser les effets de l'imagination, sous peine d'aboutir forcément à la folie, L'imagination ne suffit pas plus à expliquer l'extase qu'à expliquer le génie, parce qu'elle ne suffit à produire ni le génie ni l'extase. Chacune de nos facultés, jusque dans ses manifestations extrêmes, a des limites. Notre nature exige d'ailleurs, dans l'exercice en apparence le plus désordonné de son activité, un équilibre au moins relatif entre ses puissances. Déranger cet équilibre, et l'imagination fera d'un homme de génie un maniaque, témoin le Tasse, et un fou d'un extatique. Voici comment un grand orateur, qu'on peut en croire sur son expérience, expliquait l'apparition du sublime dans la pensée, tout à coup, et comme par hasard, les cheveux se dressent, la respiration devient étroite, la peau se contracte, et un glaive froid va jusqu'à l'âme. C'est le sublime qui est apparu, mais ce n'est qu'une apparition, et c'est pourquoi il nous tire de notre état naturel, nous faisant une sorte de violence abrupte et courte. Le ravissement, n'est-il pas aussi une sorte de violence abrupte et courte? Ce glaive froid qui va jusqu'à l'âme n'a-t-il pas quelque parenté métaphorique avec ces flèches d'or qui s'enfoncent dans le cœur du mystique? Pourquoi ne pas admettre pour le sentiment religieux, aussi bien que pour le sentiment esthétique, un degré culminant n'atteigne que les plus rares privilégiés? Qui se chargera d'expliquer ce qui se passe dans l'âme et le cerveau d'un artiste, d'un poète, quand, éclairé par l'idée, échauffé par l'amour du beau, il plonge des yeux de l'esprit dans les espaces lumineux, dans les horizons, divins aussi, de l'art et de la poésie, leur création, dit-on, rendent compte de ce qu'ils ont senti, et leur chef-d'œuvre vérifie leur génie, parce qu'ils expriment des passions, des idées qui sont le partage commun des intelligences et des cœurs. Mais si le mystique se raconte lui-même quand il croit raconter les merveilles du monde divin, où est-ce que le poète puise ses inspirations, si ce n'est en lui-même? La foi, l'amour divin ne sont-ils pas aussi de notre fond, sentiments d'autant plus difficiles à rendre qu'ils sont plus complexes, d'autant plus mystérieux qu'ils sont plus intimes et que leur objet se dérobe à nos prises? Je le veux bien, mais ces mots, feu sacré, souffle d'en haut, enthousiasme, n'ont-ils plus de sens si, au lieu de les appliquer à Virgile ou à Dante, on les applique à Sainte Thérèse? À moins qu'il ne faille voir un fou dans Virgile et dans le génie une maladie, quoi qu'on fasse, des nerfs et un cerveau ne constituent pas plus un mystique qu'un poète. Il y manque quelque chose qui ne se voit ni ne se touche, mais qui est l'essentiel, l'invisible rayon qui apporte la lumière et la vie. À ceux qui se récrieraient contre une vue trop spiritualiste, nous opposerions le témoignage de la science, qui pêche rarement par excès de spiritualisme, tout en faisant la part du réel pour les faits physiques, dit Monsieur Brière de Boismont. J'admettais pour les faits psychologiques un autre élément, l'idéal. Il me semblait qu'à ce point de vue, les hallucinations d'un grand nombre de personnages célèbres de l'Antiquité, du Moyen Âge et même des temps modernes, pouvaient être considérées comme le plus haut degré de l'attention, de la concentration de l'âme sur une idée, une sorte d'extase intellectuelle, la réunion de la forme à la matière, et, pour me résumer, la manifestation d'une faculté merveilleuse de l'esprit, l'intuition. Monsieur Parchap, se demandant si l'hallucination est compatible avec l'intégrité de la raison, fait cette réponse. Oui, d'abord et sans aucune contestation possible, Dans les cas authentiques et assez nombreux où l'hallucination n'entraîne pas l'erreur du jugement, est reconnue comme une illusion par la raison parfaitement intacte. Oui encore, et quoi qu'on ait pu dire, dans un grand nombre de cas, non moins authentiques, où l'hallucination a entraîné l'erreur du jugement sur la réalité d'une intervention extérieure. Parce que cette intervention peut être expliquée d'une manière surnaturelle et conformément à une croyance qui fait partie de la raison commune, c'est ainsi qu'on peut s'expliquer l'intégrité de la raison conservée par les prophètes, les anachorètes et les saints, au milieu des illusions auxquelles leur imagination était si fréquemment en proie. Annales médico-psychologiques, avril et juillet 1856. Nous croirions donc volontiers à l'intuition de la foi, comme à l'intuition du génie. Une fois vive, une imagination excitée et entretenue dans cette excitation par une tension obstinée de l'esprit sur un même objet, un amour fervent des choses célestes, une aspiration énergique et pure à Dieu, un dédain constant de la terre, une certaine prédisposition non seulement du système nerveux, mais des plus nobles facultés de l'âme, et, pour tout dire, un don particulier du ciel, toutes ces causes réunies nous paraissent expliquer, sans entrer dans le domaine du surnaturel, les manifestations du mysticisme de Sainte Thérèse. Je dis, de Sainte Thérèse, et non de tous les mystiques, je n'interpréterai pas ainsi, par exemple, les extases de Madame Guillon. La foi comme la raison à ses élus, et, si des phénomènes d'apparence analogues se produisent chez tous, c'est à des degrés de pureté et d'élévation bien différents. Il y a des extatiques de génie et des extatiques vulgaires. C'est au premier seulement que songeait Leibniz, quand il disait que, par la contemplation assidue de Dieu et de sa beauté, entraînant avec elle l'amour de Dieu et de l'harmonie universelle, l'âme peut s'élever assez haut pour être insensible aux choses physiques. Descartes, dans son Poil de Hollande, cherchant et trouvant sa méthode, a bien eu son extase. Que signifie la rayonnante auréole ou l'étoile brillante qui couronne, dans les œuvres de la peinture et de la statuaire, le front des saints ou des poètes? Ce symbole d'une flamme intérieure dont le foyer, analogue sinon commun, échappe à nos regards, et sans prestige pour quiconque ne s'incline que devant la rigueur des formules scientifiques. Mais cette rigueur n'est pas à sa place dans l'analyse du fait le plus complexe et le plus insaisissable qui puisse être soumis aux psychologues et aux physiologistes. Si l'essai d'explication qui précède ne paraît pas satisfaisant, qu'on me permette du moins de le préférer à certaines interprétations purement médicales qu'on en a données. Note. Par exemple l'hystérie, mais les phénomènes extatiques devinrent plus fréquents à mesure que Sainte Thérèse avança en âge, la catalepsie, les symptômes cataleptiques, convulsions, absence des facultés intellectuelles, sont en désaccord avec les caractères de ces extases, à savoir repos parfait et développement extraordinaire des facultés. Quant au magnétisme, ces effets nécessitent, pour se produire, l'action d'une volonté étrangère, et Sainte Thérèse était seule avec Dieu. D'ailleurs, est-on d'accord sur le magnétisme, même parmi ses défenseurs? S'il fallait choisir entre deux erreurs, je choisirais celle qui laisserait à l'âme spirituelle la plus grande part dans des phénomènes qui manifestent la plus pure et la plus sublime passion, la passion de l'infini, du divin. Les peintres espagnols se plaisent à représenter Sainte Thérèse écrivant, tandis qu'une colombe, image de l'Esprit Saint, vient d'en haut lui parler à l'oreille. Cette allégorie n'a-t-elle pas autant de sens que celle de la muse dictant un poème ?